encore toi, enfoiré. On fait du ski, mais nous on surfe que sur la neige. Vodka ou whisky, j'ai la tête qui tourne comme un manège. Je remercie les vaillants, ceux qui ont compris, ceux qui m'allègent. Regarde ma tête, moi j'suis dégain, j'suis pas fait pour la lèche. Pense au soleil, j'ai fait le pitou 3 heures à l'avance, parle pas pour rien. Moi ça me fait tout ce que tu dis, si tu t'avances, ça veut l'oseille. Mais ça fait rien pour que ça s'arrange, fais que du bien. Et t'auras du bonheur en avalage. Cœur blanc, cœur en or, j'ai souffert comme ma mère. Avec mon frère jusqu'à la mort, et ça j'casse commentaire. Bébé, dis-moi j't'aime encore, et me fais pas de manière. Poteau déguste la vie, t'es là, t'es plein de commentaires. Oh, j'fais le sport, je vis du shadow, assez chaud. Si tu veux être premier, y'a pas de repos, c'est trop. Il a des femmes et il est pas beau, mais il a des sous et un bateau. Un féfé et un château, des immeubles, des sociétés, où il a toute la part du gâteau. Et j'fais pas semblant, j'en